بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bienvenue à tous. On continue inshallah ta'ala cette série de cours concernant les règles du mariage, tirées du livre Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Din de l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala. On avait commencé à aborder les conditions du mariage. Et on est arrivé à la parole de l'auteur, rahimahullah, lorsqu'il dit « Wa awla nasi bitazwijil hurrati abuha wa in ala, summa abnuha wa in nazal, summa al-akrabu fal-akrabu min asobatiha. » Et donc, il nous dit l'auteur, rahimahullah, ceux qui sont prioritaires pour le fait de marier la femme libre, donc ceux qui sont prioritaires pour le fait de la marier, c'est-à-dire celui qui va prendre le rôle du tuteur et qui va donc prononcer la demande durant le mariage. Ceux qui sont prioritaires en cela sont premièrement son père, le père de la femme, et « wa in ala » c'est-à-dire même si on monte plus haut que le père, c'est-à-dire le grand-père du côté du père. Attention, le grand-père du côté du père, pas le grand-père du côté de la mère. Ça va être, tout va se passer du côté du père. Et donc le tuteur prioritaire va être le père. Comme on a vu hier, parmi les questions qui ont été posées, on a vu que parfois le tutorat de l'homme peut sauter. Et donc, que son tutorat va être donné à une autre personne. Et bien c'est là qu'on va regarder ceux qui viennent après. Et donc, après le père, donc on va regarder le grand-père. Et ensuite, il nous dit deuxièmement, Ibnuha, son fils, wa in nazal. Son fils, même si on va plus bas que le fils, c'est-à-dire le fils du fils, son petit-fils. La femme, son fils peut être son tuteur. Même si son fils a 13 ans ou 14 ans, certains parfois ne prennent pas cela en compte. Pourtant, c'est lui le tuteur. Et s'il est présent, on n'a pas le droit d'aller voir un autre pour lui demander le tutorat. Le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il nous explique que ce qui est demandé concernant le tuteur, quand est-ce que le fils peut être le tuteur d'une femme, il dit le Cheikh Ibn Baz, il faut que celui-ci, premièrement, est atteint la puberté. Donc il se peut qu'il soit pubère à partir de 13 ans, 14, 15 ans. Hein. Quels sont les signes de la puberté? On avait déjà vu les signes de la puberté. On avait vu, donc, premièrement, l'apparition des poils pubiens, donc l'éjaculation, et dernièrement, donc pour l'homme ici, le fait d'atteindre 15 ans. Il se peut que le fils soit pubère avant d'atteindre les 15 ans, donc qu'il ait les poils, les poils pubiens ou autres. Et donc à partir de là, il est tuteur. Il est bien que celui-ci ait la capacité aussi de distinguer le bon du mauvais époux, afin qu'il puisse choisir pour sa mère. Maintenant, s'il n'a pas la capacité, est-ce que son tutorat saute? Il faut une preuve pour dire que son tutorat saute. D'accord? De la même manière qu'il y a beaucoup de pères, je parle bien des pères, qui n'ont pas la capacité de distinguer un bon époux d'un mauvais pour leur fille. Beaucoup de pères, lorsqu'il y a une personne qui vient se présenter pour se marier avec sa fille, il va regarder quoi? Le salaire de l'homme. Son salaire, quel est son rang social, etc., etc. Un père qui est comme ça n'a pas la capacité de distinguer un bon époux d'un mauvais. Et pourtant, on ne va pas faire sauter son tutorat. Et donc ça, c'est un sujet qui est important. Il faut revenir vers les gens de science. Barakallahu fikum. Tayyib. Et donc l'auteur qui nous dit après cela, il nous dit ensuite, donc après qu'on ait regardé le père, bien entendu c'est un père musulman, ça veut dire que si le père il fait pas la salate, il fait pas la salate son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة, il y a entre l'homme et le fait de tomber dans la mécréance ou le polythéisme, le fait de délaisser la prière. Et donc il y a une femme qui veut se marier, son père ne fait pas la prière, on va lui dire, il faut regarder un autre tuteur. Elle va regarder donc son grand-père, même chose, il ne fait pas la prière. On va lui dire, il faut regarder un autre tuteur. Elle regarde son fils, même chose, il ne fait pas la prière. On va lui dire, il faut regarder un autre tuteur. Et donc là, l'autre tuteur, le plus proche, est le plus proche parmi les membres de sa famille. On va recommencer avec le frère. Est-ce que ton frère, il fait la salate? Oui, alhamdulillah, etc. Tayyib. Si ce n'est pas le frère, donc on regarde d'abord, bien entendu, les frères de père et mère. On regarde ses frères de père et mère. Si les frères de père et mère ne prient pas, mais par contre elle a un frère du côté de son père seulement, parce que son père avait une autre épouse. Elle a un frère du côté de son père qui lui, il prie. Eh bien, après avoir regardé sur ses frères de père et mère, on va regarder le frère que du côté du père. Ensuite, on va aller regarder du côté des oncles. On va aller regarder du côté des oncles. Les oncles paternels. Les oncles paternels. Soyez. Et donc ça, c'est important, barakallahu fikoum, concernant le choix du tuteur. Est-ce que le tuteur peut confier la responsabilité à quelqu'un d'autre? Oui, c'est possible. Le tuteur peut très bien confier la responsabilité. Je confie la responsabilité à un tel de s'occuper de telle et telle responsabilité. Je vois que même moi, c'est difficile pour moi. Et donc, un tel, même si c'est une personne qui n'est pas de la famille, toi, je te confie la responsabilité de t'en occuper. C'est le tuteur qui a décidé. Et donc ça, c'est permis, bi'idnillahi ta'ala. L'auteur qui nous dit après cela, « Wa fil hadith al-muttafaqi alayhi » La nikaha ou la tunkahul ayyim hatta tusta'mar wa la tunkahul bikru hatta tusta'zan. Qalu ya Rasulallah wa kayfa iznuha? Qala an taskut. Et donc l'auteur qui nous dit, il y a dans le hadith qui est dans Sahihain. Le hadith qui est dans Sahihain, il y a donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que on n'épouse pas la femme. Donc ici, la femme qui a déjà connu le mariage, soit elle a été divorcée, soit son mari est mort, eh bien cette femme-là, on ne l'épouse pas, on ne la marie pas jusqu'à ce qu'on lui demande son avis. Et la femme qui est vierge, celle qui n'a pas encore connu le mariage, on ne la marie pas jusqu'à ce qu'on lui demande la permission. Deux termes différents ont été utilisés. Les sahaba, ils ont noté que deux termes différents ont été utilisés. Alors ils ont posé la question, ô messager d'Allah, comment est-ce qu'on voit sa permission? Comment est-ce qu'on voit que la femme qui est vierge, elle donne la permission? Il dit sallallahu alayhi wa sallam, iznuha sukutuha. Donc sa permission est le fait qu'elle se taise. Qu'est-ce qu'il y a en fait ici, barakallahu fikoum? La femme qui est vierge, qui n'a pas encore connu le mariage, hein, elle a encore avec elle donc cette gêne d'aborder ce genre de sujet. Et donc parfois, elle ne va pas oser en parler. Donc le prophète, il dit, ça ne sert à rien de lui mettre la pression, etc. On lui demande si elle veut se marier avec quelqu'un. Le fait qu'elle soit gênée, qu'elle se taise, eh bien, ça suffit. C'est pour nous une acceptation. Si elle ne veut pas, elle va dire non, non. Elle va dire non. Si elle veut, elle va être gênée. Elle va le gêner de dire oui, je veux bien me marier avec lui. Et donc, à ce moment-là, donc, son silence est une acceptation. Contrairement à la femme qui, elle, n'est pas vierge. Elle a déjà connu les hommes, etc. Elle, il faut qu'elle nous dise clairement oui ou non. D'accord? Et donc, c'est important, barakallahu fikoum, toujours, dans tous les cas, demander l'autorisation, la permission à cette femme, car c'est elle qui va se marier. Il y a unanimité des savants sur le fait qu'il est interdit, justement, de marier la femme sans son autorisation. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre, il nous le dit, que le mariage, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, il a mis entre vous de l'amour et de la miséricorde. Et donc, il est clair qu'à partir de là, la femme, elle peut très bien annuler ce mariage, comme on a vu précédemment. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح رواه أحمد. Et donc l'auteur qui continue, il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rendez public les mariages. Rapporté par l'imam Ahmed. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rendez public les mariages. Le fait de rendre public le mariage est une obligation. En islam, il est interdit de faire ce que certains vont pratiquer, que ce soit ici en Martinique, ou ailleurs en France, ou ailleurs dans d'autres pays, le fait de cacher les mariages cachés. Les savants, ils comparent ces mariages cachés-là à de la fornication. Un jour, il fait un mariage caché avec une, un autre jour, il fait un mariage caché avec une autre, etc., etc. Il se permet de faire ce qu'il veut, puisque personne n'est au courant, personne ne va le blâmer. On ne va pas lui dire, mais tu t'es marié la semaine dernière, qu'est-ce que c'est ? On ne va pas lui dire, puisqu'on n'était pas au courant. Et donc il est obligatoire, barakallahu fikoum, de rendre public le mariage. Il n'y a pas de mariage caché. Taïb, rendre public le mariage, est-ce que ça veut dire que on fait comme le font aujourd'hui beaucoup de musulmans ? Subhanallah al-Ali al-Azim. Le prophète, il nous l'avait annoncé. Il nous avait annoncé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les tattabi'unna sunana man kana qablakum. Vous allez suivre les traces de ceux qui vous ont précédé. Hein ? On a vu les chrétiens que lorsqu'ils se marient, ils sont là, ils prennent plusieurs voitures à klaxonner, décapotables, la femme qui est là dénudée, tout le monde regarde la femme. Aujourd'hui, les musulmans font la même chose. Beaucoup de musulmans, a'ouzoubillah. Beaucoup de musulmans, même dans des pays musulmans. Ils sont là, ils se marient, il faut que tout le monde regarde sa femme. Et là, on suit les traces de ceux qui nous ont précédés, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé. Et donc, ce qui est voulu ici par le fait de rendre public le mariage, la walima, le repas de walima, barakallahu fikoum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit à Ali, awlim walaw bishah, fais la walima, même si c'est avec une chèvre. On n'est pas obligé de faire un grand repas pour la walima. L'objectif de la walima, c'est que les gens soient au courant, barakallahu fikoum. Cela est aussi un moyen de protéger. Les gens sont au courant que cet homme s'est marié avec cette sœur. Il ne va pas faire n'importe quoi. Certaines sœurs, naïvement, elles se laissent emporter dans des mariages où il n'y a pas de walima, etc., etc., etc. Et donc c'est important, barakallahu fikoum, nous n'avons pas le droit de faire des mariages cachés. Nous n'avons pas le droit de faire des mariages cachés, mais le mariage doit être rendu public. Il est quelle heure ? Dernier point qu'on voit ce soir avant d'aborder les questions. L'auteur qui nous dit rahimahullah wa fi wa min i'lanihi shahadatu adlayn. Et donc il fait partie du fait de rendre public le mariage, le fait qu'il y ait deux témoins intègres qui y assistent. Le fait qu'il y ait deux témoins intègres qui y assistent. Wa ishharu wa ishharuhu wa izharuhu wa darbu alayhi bidduffi wa nahwihi. Et donc le fait de rendre public le mariage et le fait d'utiliser le douf, donc de taper sur le douf ou autre. Donc, la fête. Et tout ça, on va l'aborder demain, inshallah ta'ala, le sujet de la fête, le douf. Mais aujourd'hui, on va aborder le sujet des deux témoins. Certaines personnes, elles se trompent lors du mariage. Hein, il doit se marier, il va dire, bon alors, mes deux témoins aujourd'hui, Souleymane et Souleymane et Ismaïl, les deux témoins. On va vous dire non, tous les frères qui sont présents là, il n'y a pas que Souleymane et Ismaïl ici. Si le mariage il est fait maintenant, il n'y a pas que Souleymane et Ismaïl. Tous ceux qui sont présents sont des témoins. Il n'y a pas besoin de choisir deux, tous ceux qui sont présents sont des témoins. Lorsque les savants ils nous disent deux témoins, ce qui est voulu c'est deux témoins au minimum. Deux témoins au minimum. Il faut qu'il y ait au minimum deux personnes qui assistent au mariage. Et ceci est une obligation le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit la nikaha illa biwali wa shahidi adl. Il n'y a pas de mariage sans tuteur ni deux témoins intègres. Voyez. Et donc c'est important, jazakumullahu khairan, de respecter les conditions du mariage. Si une personne fait un mariage, comme cela s'est passé en France, et que l'imam il part avec la femme, et ou l'imam il part avec le tuteur et avec le futur époux pour parler avec lui de la dot, parce qu'il se dit que les autres, ça ne les regarde pas, c'est privé la dot. Et donc lorsqu'ils étaient là-bas, dans la pièce à côté, à ce moment-là, ils ont fait la demande et l'acceptation, et ensuite ils reviennent voir les témoins. Non, les témoins n'ont assisté à rien. Les témoins n'ont pas assisté à la scène du mariage, donc ce mariage-là est caduc. Tayyib, si les témoins, barakallahu fikoum, ils sont aveugles, est-ce que cela est valable? Il y a deux témoins, deux aveugles. Est-ce que c'est valable ou pas? C'est valable. Les deux aveugles, ils peuvent rapporter le témoignage, ce qu'ils ont entendu, ils ont reconnu la voix du père qui a parlé, ils ont reconnu la voix donc de l'époux, etc., etc. C'est valable. Soyez. Et donc, jazakumullah khairan, si le témoin, c'est un témoin qui n'arrive pas à parler. Il voit, il entend, mais il n'arrive pas à parler. Alors, il est valable. Parce que son témoignage peut se faire par le signe. En islam, on prend en compte les signes. On prend en compte les signes en islam. Et donc à partir du moment où il peut nous montrer son témoignage par le signe, son témoignage, il est valable. Incha'Allahu ta'ala. Si une personne fait un mariage sans témoin et sans rendre le mariage public, là, tous les savants sont d'accord sur le fait que le mariage... Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les savants sont d'accord sur le fait que le mariage n'est pas correct. D'accord? Ils sont d'accord sur le fait que le mariage n'est pas correct. Si il fait un mariage avec les témoins, mais il ne rend pas le mariage public, il ne fait pas la walima, alors là, la majorité des savants voient que le mariage reste juste. La majorité des savants voient que le mariage reste valable. Il n'y a pas à refaire le mariage. Il a fait le mariage avec deux témoins, mais il n'y a pas eu de walima, le mariage n'a pas été rendu public. La majorité des savants voient quand même donc que le mariage est valable, mais que c'est une obligation qui a été donc négligée. Nous, on va arrêter pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, concernant le cours, et là, on va aborder des questions. Il y a des questions qui m'ont été envoyées, les frères. Que conseillez-vous à la femme qui pense souvent à son mari et le désire durant son absence? Alors, à ce moment-là, barakallahu fikoum, le conseil que je donne à cette sœur et à toutes les sœurs qui sont dans cette situation, c'est le rappel d'Allah Azza wa Jal. N'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala nous montre que c'est par son rappel que nous allons trouver de l'apaisement, que nous allons nous sentir bien. La personne qui est dans cette situation, souvent, et donc ces femmes vont avoir un grand manque lorsque le mari est absent. Et cela est souvent dû, barakallahu fikoum, à el-farar, le fait qu'il n'y a rien à faire. On n'a rien à faire, on est là, vu qu'il n'y a rien à faire, mais on pense encore à son mari, on pense encore, parce qu'il n'y a rien à faire. Et donc, moi, le grand conseil que je donne à mes sœurs, c'est de s'occuper dans le bien. Le fait de lire le Coran, le fait de lire la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Très peu de personnes finissent le Coran tous les mois. Pourtant, ça devait être la base. Ça devait être la base, le fait de finir la lecture du Coran tous les mois. Pourtant, très peu de personnes le font parce qu'on a beaucoup de choses à faire ou parce qu'on n'occupe pas notre temps libre. Et donc, le conseil que je donne à ma sœur est d'occuper son temps libre. Lis le Coran, apprends de nouveaux versets, Apprends l'arabe, apprends ta religion, apprends des cours de aqida, apprends des cours de fiqh. Profite du fait que tu aies du temps libre pour apprendre ta religion, et lorsque ton mari revient à la maison, afin que tu lui dises ce que tu as appris, afin que toi tu puisses lui enseigner ce que tu as pu apprendre. Parce que lui, il était occupé à travailler, et toi tu étais occupé à étudier. Mais le fait qu'on reste là, à ne rien faire, le temps passe, il revient quand, à quelle heure, et s'il a 2 minutes de retard, on n'en peut plus. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait rien. On ne fait rien. Donc le conseil que je donne à mes frères et mes sœurs, que nous devons faire attention à notre temps. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni'matani marbounun fihima kathirun minan nas. Il y a deux bienfaits qui sont négligés par beaucoup de personnes. As-sihhatu wal-farar. La santé et le temps libre. Deux bienfaits qu'Allah nous accorde qui sont négligés par beaucoup de personnes. La santé et le temps libre. La question d'après, Inch'Allah Ta'ala. J'ai fait la prière de consultation pour un mariage. Mais je ne connais pas les signes positifs et négatifs. Tayyib. Et donc ici, Barakallahu Fikoum, on doit déjà apprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a orientés, comme dans Sahih al-Bukhari. إذا هم أحدكم بأمر فليصلي ركعتين. Lorsque l'un d'entre vous a la décision de faire quelque chose, a pris la décision de faire quelque chose alors qu'il accomplisse deux unités. Ici, quelque chose, c'est pas que le mariage. Hein. Les gens, ils se rappellent de Salat al-Istikhara, la prière de consultation, lorsqu'ils se marient. La prière de consultation, c'est lorsque tu veux aller aussi travailler. Hein. Tu prévois de travailler dans une société, ou tu prévois d'ouvrir une société avec quelqu'un, ou tu prévois... La prière de consultation concerne tout ce qui n'est pas donc prescrit de manière claire. Exemple. Est-ce que tu vas faire ta prière de consultation concernant Salat al-Zuhur ? Est-ce que je vais prier Zuhur ou pas ? Est-ce que je vais mettre le voile ? Est-ce que c'est un bien pour moi de mettre le voile ? Est-ce que c'est un bien pour moi de prier Zohor alors que le chef d'entreprise ne veut pas? Non. Tu ne fais pas la prière de consultation pour ce sujet, puisque là, c'est une obligation que tu dois faire. Tu accomplis ton obligation. La prière de consultation, c'est pour le sujet que tu ne connais pas. Est-ce que je dois le faire ou pas? Et donc, tu fais la prière de consultation. Tu fais tes deux unités de prière. Ensuite, tu fais cette invocation. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Oh Allah, je te demande, je te consulte par ta science. Wa astaqdiruka bi qudratik. Et j'implore ta puissance. Je t'implore par ta puissance. Allah qui fait ce qu'il veut. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Car tu fais ce que tu veux et pas moi. Wa ta'lamu wa la a'lam. Tu connais tout. Et moi je ne connais pas. Et donc la personne, elle demande à Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui connaît tout, le passé et le futur. La personne demande quoi? Oh Allah, fais que ce sujet, et la personne cite son sujet, mon mariage avec Foulaine, ou mon mariage avec Foulaine, hein, ou le travail, etc., telle affaire. Si tu sais que telle affaire est un bien pour moi, dans ma vie présente et ma vie future, alors facilite-moi cette affaire. Et si tu sais que cette affaire est un mal pour moi dans ma vie présente et ma vie future, alors éloigne-la de moi. Tayyib. Et donc tu as fait cette invocation, tu as demandé à Allah tabaraka wa ta'ala de te faciliter cette chose si c'est un bien pour toi. Et de te l'éloigner si c'est un mal pour toi. Maintenant, tu places ta confiance en Allah. Tu as décidé de te marier. Tu fais la prière de consultation. Ensuite, tu places ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Et concernant les signes, il y a beaucoup de gens qui parlent de les rêves, si ça, il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve. Place ta confiance en Allah Azza wa Jal. Si c'est un bien pour toi, Allah Azza wa Jal va faire que tu vas te marier avec cette personne. Si ce n'est pas un bien pour toi, tu ne vas pas te marier. C'est ce que tu as demandé, c'était ça l'invocation. Tu n'as pas invoqué en demandant, oh Allah, fais-moi faire un rêve qui me montre que... Dans ton invocation, tu as dit, oh Allah, si c'est un bien pour moi, alors accorde-le-moi. C'est ce que tu as demandé dans ton invocation. Et si c'est un mal pour moi, éloigne cette chose de moi. Khalas, c'est bon. Et donc place ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Nous devons apprendre à placer notre confiance en Allah azza wa jal. Même si parfois certaines personnes se disent, ah non, mais de toute façon, lui, il est pieux, il est connu pour sa piété. Ou elle, elle est pieuse, elle est connue pour sa piété, pour sa bonté. Je ne vais pas faire ça à la tistikhara. Mais bien sûr que c'est un bien. C'est clair et net que c'est un bien de me marier avec une telle ou un tel. La hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zainab, lorsqu'elle devait se marier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zainab, elle a fait salat istikhara. Zainab, elle a fait la prière de consultation. Comment ça? Tu fais la prière de consultation pour te marier avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Oui. Pourquoi? Parce que, effectivement, c'est sûr que le mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un bien. Mais est-ce que c'est un bien pour toi? Est-ce que tu vas supporter cette charge? Est-ce que tu vas supporter cette difficulté? Le fait d'être marié avec un homme qui sera souvent absent, souvent occupé pour la da'wah, etc. C'est difficile. Est-ce que tu vas supporter? Et donc là, oui, il faut faire salat. Istikhara, on ne doit pas négliger cela. Barakallahu fikum. Question 4. On la laisse pour demain. Il reste encore deux questions. On laisse les deux autres questions pour demain, inshallah ta'ala. Waffaq Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.